Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 19 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Tanguy. Le dicton, les dictons nous disent à la Saint-Tanguy, jamais vent ne languit, à la Saint-Tanguy le temps est toujours gris. On verra tout à l'heure que ce sera le cas aujourd'hui, ou encore Saint-Roland au champ, Saint-Tanguy à l'écurie. Célébration internationale aujourd'hui, journée internationale des hommes. Et oui, et la journée des femmes, et bien aujourd'hui c'est la journée des hommes. Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, créée en 2000 par la fondation Sommet Mondial des Femmes. Journée mondiale des toilettes publiques. Et oui, au Brésil c'est la journée du drapeau, à Monaco c'est la fête du prince et à Porto Rico c'est le jour de la découverte de Porto Rico. Et dans les événements qui se sont déroulés un 19 novembre en 1493, découverte de Porto Rico par Christophe Colomb. En 2010, première journée de l'homme. Allez, tout de suite, on va écouter une interview que Licigno a réalisée avec l'association Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Étienne. Nous serons là de 8h30 à 18h. Le vendredi et le samedi ? Oui. D'accord. Aujourd'hui, nous, on a 25 familles. 25 familles. On a beaucoup de personnes seules. D'accord. On a 8, 9 personnes seules. Tout le reste, c'est des familles qui vont de 2 à 6 enfants, à 6 personnes. Non, 8. De 2 à 8 personnes. C'est plus que les autres années ou pas ? Beaucoup plus que les autres années. Et nous nous trouvons avec beaucoup plus de personnes isolées. Nous avons le gros problème aussi que nous avons actuellement, c'est que nous avons des gros problèmes. Nous rencontrons des personnes avec des gros problèmes financiers. Donc avec des gros problèmes financiers actuellement, je croyais qu'il allait y avoir un petit changement vu qu'il y a un petit peu plus de travail. Oui. Et puis je me suis complètement trompée. D'accord. Est-ce qu'au début, au mois de septembre, vous étiez Très peu? Alors, au mois de septembre, nous avons eu, le jour des inscriptions, nous avons eu 8 personnes D'accord. qui se sont inscrites. Et depuis, ça n'arrête plus du tout, du tout, du tout. Ça devient même un petit peu alarmant. Par contre, nous savons que c'est vraiment des familles dans le besoin. Oui. Ce n'est pas... C'est pas du blabla, quoi. C'est du sérieux. Nous avons eu des familles qui sont parties quand même. Je suis heureuse de les avoir vues partir. Mais celles qui nous gardons, et pour la plupart, elles sont vraiment en difficulté très importante. Surendettement, travail... Il y a du surendettement, manque de travail. Donc, beaucoup de personnes en fin de droit. Donc, ils se trouvent avec vraiment très peu d'argent. Avec la nouvelle loi Macron, là. Il n'y a pas que la loi Macron. D'accord. Il n'y a pas que la loi Macron. Après, il faut se dire aussi qu'il y a aussi des gens... que c'est vrai qu'avec toutes nos nouvelles technologies qu'on a maintenant, elles ne datent pas de cette dernière décennie, qui se sont laissés entraîner là-dedans. Je ne critique personne. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Et je crois qu'ils se sont fait piéger là-dedans. Mais la réforme quand même sur Pôle emploi, ça non, a fait quelque chose. Non, la réforme Pôle emploi, elle date du 1er novembre. Ouais. Donc forcément, aujourd'hui, on est le 16 novembre, on ne peut rien dire. On verra à long terme, quoi. D'accord. Aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que la loi Macron, qu'elle ait fait quelque chose. D'accord. Donc voilà, on attend des résultats et nous comptons toujours sur nos donateurs, on les remercie très fort, nos donateurs, les donateurs occasionnels, je ne les oublie pas non plus, comme les donateurs mensuels, oui. Même on en a qui nous donnent toutes les semaines, hein. Aussi, ceux-là, on ne peut pas les oublier. Je ne peux pas non plus oublier la générosité de toutes ces personnes-là qui nous font vivre, qui font qu'on avance quand même dans la vie. Ouais. Et Leclerc qui vous donne toujours toutes les semaines. Justement, Leclerc qui nous donne toujours. Je ne sais pas si je dois pouvoir le citer.

knocking on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. C'était les Guns N' Roses sur RGM. Presque 8h45, on fait un point anniversaire avec ceux qui sont nés un 19 novembre 1942. Naissance de Calvin Klein, couturier américain, figure emblématique du prêt-à-porter américain avec une mode inspirée du sportswear et de la mode minimaliste, plus particulièrement remarquée hein, dans les années 80-90. Hein, oui, c'est ça. 1954, naissance de Kathleen Kinlan, actrice américaine vue dans American Graffiti, Apollo 13, la série Associée pour la loi dans le rôle de Lynn Holt, Prison Break dans le rôle de Christina Rose Schofield ou encore Chicago Fire. 1960, naissance de Matt Sorum, musicien américain du groupe Guns N' Roses. 1961, naissance de Meg Ryan, actrice américaine vue dans Top Gun dans le rôle de Carol. Quand Harry rencontre Sally dans le rôle de Sally Albright, Joe contre le volcan, French Kiss ou Vous avez un message, pardon, ou encore L'échange. 1962, naissance de Jodie Foster, actrice, réalisatrice américaine vue dans Taxi Driver, Les Accusés dans le rôle de Sarah Tobias, Oscar de la meilleure actrice, Le Silence des Agneaux dans le rôle de Clarice Starling, Oscar de la meilleure actrice, Maverick, Panic Room, Un long dimanche de fiançailles, Inside Man, L'homme de l'intérieur, L'île de Nîmes, Le complexe du castor, réalisatrice de Week-end en famille et du complexe du castor. 1963, naissance de Terry Farrell, actrice américaine, connu pour son rôle du lieutenant Jadzia Dax dans Star Trek Deep Space Nine. 1965, naissance de Laurent Blanc, ancien footballeur français devenu entraîneur. Joueur de 1983 à 2003 en jouant à Montpellier, Naples, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Barcelone, Marseille, l'Inter de Milan ou encore Manchester United. Entraîneur depuis 2007. De 2007 à 2010, il a entraîné Bordeaux. De 2010 à 2012, il était le sélectionneur de l'équipe de France. Et de 2013 à 2016, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Champion du monde 98 et champion d'Europe 2000, hein, on s'en souvient. 1969, naissance d'Alison Balson, actrice américaine, connue pour son rôle de Nancy Olsen dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. C'est également l'année de naissance de Richard Virenque, ancien cycliste français, ayant fait carrière de 1991 à 2004, un des plus jeune porteur du maillot jaune en 92. Il est le coureur du Tour de France ayant remporté le plus de fois le maillot à poids du meilleur grimpeur, qu'il a d'ailleurs endossé à 7 reprises, de 1994 à 1997, ensuite en 99, 2003 et 2004. Il a d'ailleurs remporté le prix de la combativité du Tour de France 96, 97 et 2004. Il a également remporté 7 étapes du Tour de France, qu'il a terminé deux fois sur le podium en 96 et 97. 1976, naissance de Robin Dunne, acteur américain, vu dans la série télé Dawson, Les Experts Miami, NCIS Enquête Spéciale ou encore Sanctuary, dans le rôle du docteur Will Zimmerman. Et on termine en 1983 avec la naissance d'Adam Driver, acteur américain, vu dans Lincoln de Steven Spielberg, dans le rôle de Samuel Beckwith, et Star Wars, Le Réveil de la Force, Star Wars, Les Derniers Jedi, dans le rôle de Kylo Ren. Il sera d'ailleurs à l'affiche du prochain et du dernier Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, qui sort pour Noël. Et vu à la télévision dans la série télé Girls, dans le rôle d'Adam Sackler. Allez, je vous parlais de Meg Ryan qui avait joué dans le film Top Gun. Et bien, on va se remémorer la bande originale du film avec le groupe Berlin et le titre Take My Breath Away. C'était le groupe Berlin sur le 107 FM à 8h52. On parle météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera une journée nuageuse, plus de neige, des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera le retour des éclaircies avec des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, placé sous le signe des éclaircies également, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin et entre 8 et 9 degrés prévus pour jeudi après-midi. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va traverser l'Atlantique, direction le basket et la NBA avec les résultats de cette nuit. Une nuit qui n'a pas réussi à nos joueurs français, sauf Frank Ntilikina avec les Knicks de New York qui s'est imposé 123 à 105 face à Cleveland. 6 points pour le français. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum qui faisait son retour après sa blessure au doigt s'est inclinée face à Toronto. 132 à 96, 3 points et 6 rebonds pour le français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert, plutôt en forme, 16 points et 14 rebonds, s'est incliné 102 à 112 face au Minnesota. Et il y avait deux équipes avec des Français dans la composition qui s'affrontaient, l'équipe de Phoenix de Okobo et l'équipe de Boston de Poirier qui lui n'a pas joué. Eh bien, c'est Boston qui s'est imposé 99 à 85 et 4 assistances pour Okobo. Un mot de tennis maintenant avec la Coupe Davis, nouvelle formule qui est loin de faire l'unanimité, que ce soit auprès des joueurs ou même auprès des spectateurs et des supporters. Ça se passe en Espagne. La première journée, c'était hier et les tribunes sont loin d'être remplies. Alors, la Coupe Davis, nouvelle formule, si on peut encore appeler ça la Coupe Davis, aujourd'hui, et donc ce sera France-Japon. Jeudi, il y aura France-Serbie. Je vous fais un point sur cette nouvelle formule puisqu'il faut suivre. Et dans les phases de groupe, à noter qu'il y a 6 groupes de 3. Donc le groupe de la France, vous l'aurez compris, est composé du Japon et de la Serbie. Les vainqueurs de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour la phase à élimination directe. Là aussi, vous l'aurez donc compris, la France doit impérativement terminer première de son groupe ou alors figurer dans les deux meilleurs deuxièmes. Ça va pas être chose facile. Le déroulement, eh bien, à 11h ce matin, aura lieu le premier simple entre les numéros 2 de chaque équipe. Et ensuite, il y aura le deuxième simple avec les numéros 1 de chaque équipe. Et s'en suivra ensuite le double qui sera obligatoirement disputé, en tout cas dans les phases de groupe. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon, une fois qu'on a un peu compris le système, ça va. Mais bon, c'est vrai qu'on est loin de l'ambiance qu'on a pu avoir, par exemple, en Fed Cup le week-end dernier avec Kristina Mladenovic et compagnie. On termine cette actualité avec du biathlon. A été dévoilée hier la sélection de l'équipe de France féminine et masculine pour la première manche de Coupe du Monde à Östersund en Suède. Ce sera le week-end du 30 novembre. Côté féminin, 6 Françaises ont été sélectionnées. Célia Emonier, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Julia Simon. Côté messieurs, 6 Français sélectionnés également. Fabien Claude, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Antonin Guigona et Émilien Jacquelin. Et à noter qu'en IBU Cup, le Vosgien Émilien Claude fait partie des hommes sélectionnés. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec une musique que j'ai en tête depuis plusieurs jours, Icona Pop, le titre I Love You. I Love It. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. Icona Pop, I Love It sur RGM, 8h59, passé de quelques secondes, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h30, il y aura Durablement Vôtre, à 10h30, ça devrait être le retour de Plus Belle la Vie, à 16h, la rediffusion de Memento Mori, 18h30, Kaizen, 20h, La Parole est à vous avec Michel, 22h, J'aime et je vous le lis, 23h, 20 Flight Rock, nous on se retrouve demain matin, excellente journée à tous.